Talking about kids getting loaned up and money getting thrown out. Talking about Monica on her knees. Nous, c'est Kimbo. Sur le www.fréquenceclub.com. Strip. Dans Fréquence Club avec Timbo sur votre radio RPL, on écoute sur le 99 FM ou via le site RPL Electro. que vous voulez. Fréquence Club sur RPL, c'est la base, mec. Qu'est-ce que vous voulez? Hachiche? Wapiam? Hachiche? Wapiam? Suivez-moi. Qu'est-ce qui c'est? Un client. Il vient de la part d'Hassan. Il voudrait fumer l'opium. Qui vient? Qui c'est ça? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Hachiche? Wapiam? Suivez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Hachiche? Wapiam? Qu'est-ce que vous voulez? Hachiche? Wapiam? Qu'est-ce que vous voulez? Hachiche? Wapiam? Suivez-moi. Qu'est-ce qui c'est? Un client. Il vient de la part d'Hassan. Il voudrait fumer l'opium. Qui c'est ça? Qu'est-ce que vous voulez? Que vous voulez? Hachiche? Wapiam? Qu'est-ce que vous voulez? Hachiche? Wapiam? Qu'est-ce qui c'est? Un client. Il vient de la part d'Hassan. Il voudrait fumer l'opium. Quittez ça! Voilà une natte inoccupée. On va vous apporter les pipes. Qu'est-ce que vous voulez? Hachiche? Wapiam? Suivez-moi. Hachiche? Wapiam? 17h sur le 99FM et 24h sur 24 sur le www.rpl99fm.com. RPL, l'autre radio. Fréquence Club s'achève, restez calés, on va enchaîner avec un deuxième mix. We'll be right back. Carnover, le son qui vous va bien. RPL, dans toute la métropole lilloise. RPL. Fréquence Club sur RPL, c'est la base, mec.